là encore. C'est ça. Jamais je serai prisonnier. Jamais je serai prisonnier. Jamais je serai prisonnier d'un regard extérieur. Mauvaise manip, les yeux qui pleurent à cause d'un extincteur. Les jeux dangereux sont nombreux dans mon monde. Allume les phares, il fait déjà sombre sur le fil du rasoir. Déjà petit, je me cachais entre les tons. Debout sur le rebord d'un pont, deux flashs de rhum dans le sang. Pas fier de moi, pas fier d'avoir perdu la foi quand j'étais adolescent. Échec à répétition, je regardais vers le bas, mais sans rien lâcher. Toujours du seum à cracher, le pied au plancher. Et comme j'ai pas de refrain, je me mets à chanter. Oh oh oh oh. Si je tombe six fois, je me relève sept fois. Je vais me battre ma hache. Si je tombe six fois, je me relève sept fois. Si je tombe six fois, je me relève sept fois. Jamais abandonné. Si je tombe six fois, je me relève sept fois. Je vis comme si j'étais bipolaire, comme si j'avais quatre vies. Je navigue en différents milieux. Sur mon phone, non, j'ai jamais de batterie. Toujours 10%, et je me demande pourquoi le monde est si étouffant. Je voulais aller tout droit, mais j'ai v'là les virages. Un proche dans le coma, short de l'hôpital, dans mon corps il caille. Alors qu'hier, j'étais le plus heureux. Débordé par mes propres émotions, je suis entre le jour et la nuit, entre la neige et le feu. Toujours déter, je le fais si je le fais, dans une veste toute feneux. J'ai perdu mon passeport, je garde mon identité. Et comme j'ai pas de refrain, je me mets à chanter. Oh, oh, oh, oh, oh.